quoi faire de moi. Il lui faut tendre les bras, elle voulait pas finir comme moi. À la recherche du cimetière des éléphants. J'ai rencontré une tuba qui voulait dérouter ma voix. J'ai beau forcer le pas, je voulais pas finir là-bas. Parmi les œuvres de Frank Zappa, j'ai rencontré une diva qui voulait changer mon karma. J'ai beau lire du Kafka, elle voulait pas partager ça. Dans les méandres d'Amargosa, j'ai rencontré une diva qui voulait filtrer mon aura. J'ai eu beau changer de ganja, elle voulait pas consommer ça. Dans les forêts de Sativa. Je veux rencontrer une diva qui me prendra telle que tu me vois. Qui ne changera rien de moi, qui voudrait juste vivre avec moi, ensemble, avec mes guitares sous les bras.